Chapitre deuxième. Le jour où ce récit commence, un vendredi soir, les employés de la maison d'Alifar étaient en émoi. Depuis 8 jours, M. d'Alifar était gravement malade, et les nouvelles qui, d'heure en heure, étaient parvenues dans les bureaux avaient été de plus en plus mauvaises. Ces bureaux occupant tout le rez-de-chaussée et le premier étage de la maison, tandis que le second était réservé à l'habitation personnelle, les commis se trouvaient en rapport continuel avec les domestiques, et par ceci ils suivaient pas à pas, pour ainsi dire, la marche de la maladie. D'ailleurs, Lucius, le caissier, un Allemand curieux et bavard, qui était toujours aux aguets pour apprendre ce qui ne le regardait point, s'était adroitement arrangé pour rencontrer comme par hasard le médecin dans l'escalier, et avec un sourire bonhomme, l'œil mouillé, se frottant les mains, inclinant sur l'épaule son crâne rouge et poli, riant des dents et pleurant du nez, il s'était permis de demander des nouvelles positives du patron, non par curiosité, car grâce à Dieu, n'étant point affligé de ce défaut, il n'avait pas l'habitude de s'occuper des affaires des autres, mais par intérêt, par ce sentiment naturel qui fait qu'on prend souci de ce qu'on aime. Et quand on a été 10 ans dans une maison, on s'attache, si l'on a du cœur, à ceux sous la direction desquels on a travaillé. Ainsi interpellé, le médecin avait secoué gravement la tête et avait répondu que maintenant un miracle seul pouvait sauver M. d'Alifar. Puis, profitant de l'accablement obligé dans lequel ses paroles avaient jeté le caissier, il s'était adroitement esquivé en s'effaçant contre la rampe. Rentré derrière son grillage, Lucius avait envoyé chercher le chef de la fonderie, et à l'oreille, il lui avait confié la communication du médecin. Puis, après le chef de la fonderie, il avait fait la même confidence à un autre, puis après cet autre, à un autre encore. De sorte que tous l'avaient successivement reçu, depuis le grand Mayada, le commis chargé de la correspondance, jusqu'au petit Flavien, et bien entendu, toujours à l'oreille, avec émotion et componction. Cette nouvelle, s'ajoutant à toutes celles qui se succédaient depuis le commencement de la semaine, avait provoqué les conversations de voisin à voisin. Puis à l'heure de la fermeture des bureaux, on s'était groupé dans la cour. On avait diagnostiqué, disputé. On s'était reconduit dans la rue. Et en fin de compte, on s'était séparé, chacun rentrant chez soi assez inquiet. Pour être exact, il faut préciser ce sentiment d'inquiétude et ne pas laisser croire qu'il était inspiré chez ses employés par la crainte égoïste de se trouver du jour au lendemain sur le pavé, sans place, par suite de l'écroulement de leur maison. Que M. d'Alifar mourût ou ne mourût pas de la maladie dont il était atteint, la maison de la rue des vieilles Audriettes n'en continuerait pas moins à être ce qu'elle était depuis 30 ans. Il pouvait disparaître, la maison à laquelle il avait donné son nom, mais qu'il n'avait jamais dirigée, resterait après lui debout et solide. Le vrai chef de cette maison n'était point en effet M. d'Alifar, c'était Madame d'Alifar, ou plus justement Madame, comme disaient les employés en parlant d'elle. C'était elle, elle seule, qui l'avait fondée, et qui, par son travail, son intelligence, son énergie, l'avait amenée à ce degré de prospérité. C'était elle qui, après la mort de son mari, s'il devait mourir, continuerait d'en être le patron, le maître absolu. Fille d'un brocanteur de la rue des Quatre Fils, Mademoiselle Félicité Choichillon, à l'âge où les enfants jouent encore à la poupée, s'était associée à son père. Mais au lieu de s'en tenir aux habitudes paternelles, c'est-à-dire à l'achat et à la vente de la friperie, de la ferraille et des vieilleries de toutes sortes qui forment le fond d'un brocanteur du quartier du Temple, elle avait entrepris le commerce de l'or et de l'argent. Elle avait alors 13 ans, et pour toute instruction, elle savait lire, sûrement et rapidement calculer de tête, et à peu près écrire, pourvu que ce ne fût pas en caractère très fin et qu'elle eût le temps de s'appliquer. Heureusement pour elle, la nature l'avait douée de ce que l'étude ne donne pas, une volonté qui ne connaissait ni le doute, ni la fatigue, ni le découragement, un âpre besoin de gagner, et l'intelligence, on peut même dire le génie du commerce. Pourvu qu'il achetât sa friperie bon marché et la revendît cher, le père Choichillon était satisfait, et il ne demandait rien de plus à la vie. Brocanteur, il avait commencé, Brocanteur, il finirait. Sa fille avait d'autres idées en tête, des rêves d'enfant, si l'on veut. Mais qui mieux que l'enfant sait poursuivre et finalement obtenir ce qu'il désire? En prenant dans la maison de son père la place de sa mère morte, la petite Félicité, maniant l'argent de la caisse pour la première fois, avait remarqué que ce qui donnait les plus gros bénéfices, c'était les vieux galons, les vieilles épaulettes, les timbales d'argent, les fourchettes cassées. Cette remarque n'avait point été perdue pour elle. En moins de 6 mois, la boutique de friperie avait été vendue et le père Choichillon n'avait plus acheté que des matières d'or ou d'argent. Il en avait coûté au vieux brocanteur de renoncer à ses habitudes. Il tenait à ses courses du matin par les rues de la ville, à son cri « Habits, galons !» qui était une sorte de propriété héréditaire comme une enseigne. Il tenait surtout à ses stations chez les marchands de vin. Avec une adresse toute féminine, la jeune fille n'avait point attaqué de front ses idées, mais manœuvrant avec prudence, elle les avait habilement accommodées à ses désirs. Le père Choichillon avait continué ses courses et aussi ses stations rafraîchissantes. Seulement, au lieu d'accepter toutes espèces de marchandises comme autrefois, il n'avait plus acheté que celles dans lesquelles l'or ou l'argent entrait à un titre quelconque, les vieux bijoux et la vieille argenterie. Pour Félicité, s'emparant dans la boutique de la place donnée jusque-là à la friperie et à la ferraillerie, elle y avait installé un fourneau à réverbère et des creusets en fer battu margés avec de l'argile. Puis, cela fait, elle avait été chercher un habile ouvrier chez un affineur de la rue Aubry-le-Boucher et elle avait entrepris la fonte des métaux précieux. Le commerce de ces métaux ne consiste pas uniquement à peser exactement les matières qu'on vous apporte et à les payer d'après la valeur connue de l'or ou de l'argent. Puis, cela fait, à les fondre et à les revendre, affiner aux orfèvres et aux bijoutiers. Ces matières, en effet, ne sont pas pures. Elles contiennent un alliage variable. En France, le titre de ces alliages a été légalement fixé. Pour les monnaies d'argent, il est de 900 millièmes. Pour la vaisselle, de 950 millièmes. Pour la bijouterie, de 800 millièmes. Si ceux qui font métier d'acheter les vieilles vaisselles ou les vieux bijoux n'avaient à peser dans leur balance que des matières argentifères fondues en France depuis que leur titre a été fixé, le calcul qu'ils ont à faire serait des plus faciles. Mais il n'en est pas ainsi. Les objets qu'achètent les fondeurs n'ont pas tous été fabriqués en France. Quelques-uns l'ont été dans les pays étrangers et à des époques plus ou moins reculées. Leur titre varie donc et conséquemment leur valeur. En moins de 3 ans, la petite Choichillon, comme on disait en parlant de celle qui devait devenir bientôt mademoiselle, puis madame, apprit à connaître les métaux au point d'en remontrer au meilleur essayeur. Sa pratique valait la plus savante théorie, et plus promptement, plus sûrement qu'un employé du cabinet des médailles, elle savait reconnaître et estimer les florins de Florence, les sterling et les nobles d'Angleterre, les ducats de Venise et de Gênes, les écus, les Henri, les louis d'or, les médailles, les méraux et les jetoirs, les lingots frappés à l'écu de Castille qui, pendant si longtemps, ont été en usage dans les Amériques. Dans sa boutique sombre, assise du matin au soir à son comptoir, ayant devant elle ses balances brillantes, cette jeune fille de 17 ans livrait bataille aux juifs le plus retors et ne se laissait pas prendre aux histoires les mieux arrangées de receleurs. Sans jamais écrire un mot sur le papier, elle faisait de tête, en quelques secondes, des calculs compliqués et ne se trompait jamais dans ses comptes. Bientôt, la boutique de la rue des Quatre Fils devint trop petite, non pour placer ses employés, elle n'en prenait aucun, mais pour construire les nouveaux fourneaux qui lui étaient nécessaires. Elle loua alors le rez-de-chaussée de la maison de la rue des Vieilles Audriettes, et dans les bâtiments annexés qu'elle fit construire, elle installa avec sa fonderie des ateliers d'affinage et de laminage. Elle avait alors juste 21 ans, et en 8 années, d'un pauvre petit fripier, elle avait fait un industriel qui pouvait ouvrir des crédits à tous les petits fabricants d'orfèvrerie et de bijouterie du quartier du Temple. Pendant ces 8 années, elle ne s'était pas donné une journée de plaisir, pas une promenade à la campagne. Ses seules distractions avaient été tous les ans une visite à la foire au pain d'épices et de temps en temps, de loin en loin, en été, une soirée à la Gaîté ou à l'Ambigu. Mais l'accroissement de son commerce et de sa fortune avait enfin modifié sa vie. Il avait fallu prendre des commis établir une comptabilité et confier à des étrangers la marche de ses affaires jusque-là secrète. C'était afin d'échapper autant que possible à cette nécessité, pour elle véritablement cruelle, car elle était mystérieuse et cachant entièrement tout, qu'elle s'était mariée. Le chef de sa comptabilité, Benoît d'Alifard, était un bel homme, élève de M. Prudhomme autant que Brard et Saint-Omer. Elle en avait fait son mari, sans exiger de lui, dans la vie conjugale, rien que sa belle prestance, dans la vie commerciale, rien que sa belle écriture. Pendant 30 années, le digne homme n'avait jamais été autre chose dans le monde que le mari de Madame d'Alifard, et dans sa maison que le premier commis de sa femme. Son fils même n'avait jamais été son fils. Il avait le droit de le promener les jours de sortie au jardin des plantes, sur les boulevards, aux Champs-Élysées, mais à cela s'étaient bornés ses devoirs de père. Pour tout le reste, Adolphe avait été le fils de sa mère. C'était celle-ci qui avait choisi les premiers professeurs de son enfant, qui, plus tard, avait fixé le collège où il entrerait, et qui, plus tard encore, avait décidé qu'il lui succéderait dans sa maison. Enfin, c'était elle qui, depuis sa naissance, l'avait d'heure en heure dirigé, faisant sentir en tout et pour tout sa volonté de maître autant que sa tendresse de mère, car cette femme, douée de plus de tête que de cœur, adorait son fils. Dans ces conditions, la guérison ou la mort de M. d'Alifard ne touchait donc pas ses employés dans leurs intérêts directs. Qu'il mourût ou qu'il ne mourût pas, ils étaient certains que la maison resterait debout, et au point de vue de leur position personnelle et de leurs appointements, c'était là l'essentiel.